Cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Avant de continuer al-qira'ah, tadhkuruna au début du livre, on avait cité anna fi al-jannah, au paradis al-mu'min, tout ce qu'il désire, enfin il pourra le faire, même une chose qu'il aimait dans ce bas monde. On avait cité un hadith sur ceux qui aiment l'agriculture et pourront faire cela kadalik fi al-jannah. Et on avait dit qu'on allait citer ce hadith et j'ai complètement oublié. Et aujourd'hui, on le lit bin nas, inshallah. Fa hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية. Donc un jour, النبي صلى الله عليه وسلم, il parlait, il y avait un homme من أهل البادية. أهل البادية, c'est les gens de la campagne qui connaissent, qui aiment et qui pratiquent l'agriculture en général. قال أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. Donc النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. Un homme parmi les gens du paradis, il demandera Allah سبحانه وتعالى sur الزرع, أي sur l'agriculture. فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. ثم الله سبحانه وتعالى il dira à cet homme ألست فيما شئت؟ Est-ce que tu n'as pas tout ce que tu veux? قال بلى, il a dit si ya rab, ولكني احب ان ازرع, لكن j'aime l'agriculture. انظروا, c'est pour ça qu'on avait fait une ishara à ce hadith, il y a des choses que tu aimes fi dunya, tu pourras les avoir fi al janna. Cet homme qui aimait l'agriculture, min ahli al badia, il a demandé هذا. قال فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده. Tout ça en d'un coup directement. فكان امثال الجبال. Donc il a planté, et cette plante a poussé, etc. C'est devenu de la taille d'une montagne. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا. الأعرابي, quand il a entendu هذا, il a juré, il a dit والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا. Il a dit cet homme, إما il fait partie de Quraysh, إما il fait partie de l'Ansar. لأنهم كذلك, ils étaient connus pour الزراعة, ils aimaient beaucoup l'agriculture. فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فلعله c'est الأعرابي le premier رجل من أهل البادية. نعم, البادية, نعم, c'est lui. Donc c'était lui, il n'était pas dans sa campagne, il n'était pas attiré par الزراعة. قال فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. Il a dit أما نحن, on n'est pas, c'est pas notre les choses qui nous attirent, qu'on a envie, c'est pas notre spécialité. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Quand l'Arabi il a juré que c'était un Qurashi ou Ansari, لماذا لأنهم ils aiment l'agriculture, ثم il a dit أما نحن, c'est pas notre spécialité l'agriculture, النبي صلى الله عليه وسلم il a ri عليه الصلاة والسلام. المهم, on aurait dû citer ce hadith bien avant pour que ça soit lié avec ce qu'on avait dit, لكن قدر الله وما شاء فعل. الحديث اللي في صحيح البخاري, كتاب الحرث والمزارعة, le livre sur الحرث والمزارعة concernant l'agriculture. قال الشيخ السعدي رحمه الله تاسعا 9e cause, ومنها قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون الآية, أي من سورة المؤمنون. Donc dans ce 9e point, il a cité أن من أسباب تقوية الإيمان, parmi les causes pour augmenter sa foi, ce que Allah سبحانه وتعالى il a cité dans سورة المؤمنون, les 10 premiers versets, du 1er au 10e. Il les a pas cités, il a cité le premier et le dernier, lakin on les lit pour que ce soit plus clair. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc dans ces dix versets, et on a lu jusqu'au 11e, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité certaines caractéristiques des croyants. C'est pour ça que cette sourate, elle s'appelle sourate al-mu'minun, la sourate des croyants. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, au début de la sourate, il a cité ba'd awsaf al-mu'minun. Et le premier verset, قال, قد أفلح المؤمنون. Ça nous montre ce qu'il a cité subhanahu wa ta'ala dans les premiers versets de cette sourate, c'est les causes de la réussite. Et ça nous montre كذلك أن الإيمان c'est la plus grande cause pour réussir. Et ça nous montre كذلك أن الإيمان c'est pas مجرد un اسم, c'est pas مجرد دعوة. C'est pas qu'une prétention. الإيمان que المؤمن doit avoir, c'est هذا الإيمان. C'est fait de paroles, c'est fait bien sûr de croyances, c'est fait d'action avec les membres. Enfin, Cheikh Saadi rahimahullah, donc il s'est basé sur le début de sourate al-Mu'minun pour citer hadha al-kalam. Qala rahimahullah. Fa hadhihi as-sifat al-thaman. Donc 8 caractéristiques. Lakin al-muhaqqiq il a corrigé qala bal sifat al-mu'minin huna sab'a. Bel, il y a 7 caractéristiques dans le début, dans les 10 premiers versets. فَهَذَا وَهْمٌ مِنَ الشِّيْخ الشيخ, il a dit, rahimahullah, 8 et en fait c'était 7. Il les a résumés, المحقق الخشوع في الصلاة, c'est la première, et le fait de se concentrer dans la الصلاة, وَالْإِعْرَادْ عَنِ اللَّغْوِ, الْإِعْرَادْ عَنِ اللَّغْوِ, et le fait de se détourner des paroles futiles, وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ, donner la zakat, la troisième. La quatrième, الْعِفَّ عَنِ الْفَوَاحِشِ, c'est s'écarter de الْفَوَاحِشِ, l'adultère, la fornication, etc. وَرِعَيَةُ الْأَمَانَاتِ, respecter ses engagements, la cinquième. وَرِعَيَةُ الْعُهُودِ, la sixième. وَالْمُحَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ, la septième. نعم. قَالَ أَمَّا صِفَاتُ الْمُفْلِحِينَ فَهِيَ ثَمَانِ بِزِيَادَةِ صِفَةِ الْإِيمَانِ. Ah, non, là, بس, نعم. C'est pour ça que le Cheikh il a dit 8. أما المحقق قال صفات المفلحين الإيمان قد أفلح المؤمنون c'est la première et ça c'est صفات المفلحين et la cause de la réussite c'est la foi ثم les autres versets c'est pour montrer c'est qui les croyants c'est quoi leur caractéristique donc 7 donc هذا سنتنبيه طيب قال كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. Non, chacune de ces caractéristiques, ça fait partie de la foi, bien sûr. Et كذلك, c'est une cause pour que cette foi, elle augmente. قال فحضور القلب في الصلاة وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه. Et ce point, il est très très important. Pourquoi ? Parce qu'on est tous concernés tous les jours, plusieurs fois par jour, on fait salat. هذه الصلاة, c'est un énorme moyen pour que notre foi, elle augmente. Et si on ne fait pas attention, si on tombe dans l'insouciance, et on n'applique pas هذه النصيحة, ou هذه النصائح du شيخ هنا رحمة الله عليه, ça peut, cette salat, elle peut devenir من باب العادة, une routine. C'est pour ça que tu trouves بعض الناس leur salat لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. Alors que Allah عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك la salat c'est une cause pour que la foi elle augmente comme on vient de réciter les versets. Enfin, celui qui fait la salat tous les jours et il continue à faire des péchés, ben, peut-être que son cas il s'aggrave et il sent que sa foi elle augmente pas. La preuve c'est ses péchés. Hada, il a un problème dans sa salat. Et le problème, Cheikh, il l'a cité. Il a cité plutôt la solution. La solution, c'est quoi ? C'est Al-Khushu'a. Fahudur al-Qalb fi salat. Wa kouna al-Mussali yujahid nafsa. Ça demande un jihad. Hadihi salat, on ne doit pas la faire automatiquement. C'est l'heure, on fait l'odon, on fait salat, on Khasatan avec précipitation, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a récité. À la fin de la salat, on ne sait même pas si on a demandé quelque chose à Allah Amla Azza wa Jal. Ça, c'est une salat, c'est la routine, ça devient automatique. Et ça, c'est, on n'est pas à l'abri. Pourquoi ? Il y a une ibada qui revient 5 fois par jour. Vous avez remarqué que, pour être plus clair, que les premières fois que tu faisais la salat, peut-être que tu pleurais. Peut-être que tu ne savais même pas réciter Al-Fatiha en arabe. Peut-être que tu disais certains mots en français. Et tu demandais à Allah Azza wa Jal peut-être en français. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Peut-être que tu pleurais. Tellement que tu avais l'iman. Pourquoi ? Tu venais de rentrer dans le din. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pardonné tous tes péchés. Et tu sentais ce cœur très très propre. L'iman, celui qui rentre vers l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne tout. Et tu avais ce khushu'. Pourquoi les anna, c'était pas encore la routine. C'est le début. Hakada qira'at al-Qur'an. Beaucoup de gens, ils ont ressenti, au début, tu lis le Qur'an, ou alors une autre langue. Tu lis les traductions des sens des versets, peut-être que ça te fait pleurer. Avec le temps, ça devient une routine. Tu comprends l'arabe, tu le lis en arabe. Et rien du tout. Ça revient à hada, les anna, une ibada que tu fais 5 fois par jour. Si tu fais pas attention pour apprendre ce que tu dis, apprendre l'arabe, connaître les sens des versets que tu récites et des adhkar que tu répètes, que ce soit à la position debout, incliné ou prosterné, tu tomberas dans la routine. Allez, on le répète, فَحُضُورُ الْقَلْبِ فِي الصَّلَاةِ وَكَوْنَ الْمُصَلِي يُجَاهِدْ نَفْسَ عَلَى اسْتِحْضَارِ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ. Sahih, la première chose qu'on doit se poser, et c'est une source de, pour augmenter son iman, c'est at-takbir. Tu te mets debout et tu dis Allahu Akbar. Réfléchis sur هذه الكلمة العظيمة. Allahu Akbar, ça veut dire quoi Allahu Akbar? Et Akbar min mada? Allah il est Akbar, il est plus grand que quoi? Il est plus grand que tout, subhanahu wa ta'ala. Donc si on connaît le sens de cette kalima, tu vas rentrer fi salat et tu sais ce que tu as dit. Tu sais que tu as dit Allahu Akbar, tu vas oublier tout le reste. Tu es prêt pour te concentrer. Et tu es debout devant Rabbul Alamin. Quelle est la position debout? Tu es debout devant qui? Si ahyanan tu te retrouves dans certaines situations, certains endroits avec des personnes de haut rang qui ont des grandes responsabilités, tu peux pas te mettre comme tu veux, la position que tu veux. Ba'dhum la yarda. Ba'dhum, ils acceptent pas que tu t'assoies, tu restes debout. Et tu dois avoir une certaine posture et tu dois attendre qu'on te donne la parole. Ça c'est avec un bachar. Enfin, si on ne tombe pas dans l'insouciance, quand on rentre au Mejid ou quand on est chez nous, si on fait salat chez nous, matalan pour les sœurs ou des nawafil, la boud, si tu veux augmenter ta foi et que cette salat, ça ne devient plus la routine, t'astahdir hada. C'est pour ça que Ba'd al-Salaf, quand il se mettait debout, matalan, même le choix des vêtements, il ne faisait pas salat dans n'importe quel vêtement. On va à un rendez-vous, on est bien présenté, etc. Quand on fait salat devant Allah, Rabbul Alamin, Azza wa Jal, on a une apparence que la taliq. خذوا زينتكم عند كل مسجد. هكذا قال عز وجل. Il y a une préparation avant. ثم quand tu es debout, ثم quand tu lèves les mains. كذلك le fait de lever les mains. Les ulama, ils ont cité certaines fawaïd. Pourquoi ? On ne citera pas ici. ثم tu dis Allahu Akbar. ثم tu dis du'a l'istiftah, ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ثم بسم الله الرحمن الرحيم, ثم الفاتحة. Toutes ces choses, ces textes qu'on vient de citer, ces phrases que tu dois réciter, lire, si tu connais le sens, là, chaque ça te fera monter l'iman. Lakin, tu ne connaîtras pas le sens si tu ne fais pas d'effort. C'est pour ça que قال, on répète, يُجَاهِدْ نَفْسَ. Comment faire ? C'est très très simple. C'est très très simple. Tu apprends هذه الأذكار. Maintenant, tu commences par الفاتحة. Tu commences par الفاتحة et tu étudies Sourate الفاتحة. Tu vas voir que des savants, ils expliquent Allahu Akbar, ils expliquent beaucoup de choses dans Tafsir Sourate الفاتحة. Thomas, si tu ne trouves pas, tu étudies un livre de أذكار. Et في كتب الأذكار, ils citent أذكار الصلاة, التكبير والتسبيح, etc. Et les ulama, ils expliquent, هكذا, il n'y a pas de miracle, les ikhwan. تذكرون أن toute chose a une cause. Toute chose a une cause, comme a dit Cheikh Saadi, rahimahullah. La cause de al-khushu' wa hudur al-qalb, c'est ça le khushu'. On n'a pas traduit. Al-khushur, c'est se concentrer. Et Huna, il l'a expliqué avec hadha al-kalam tayyib, hudur al-qalb. C'est que ton cœur il soit présent. C'est ça le khushur. C'est quoi la concentration? C'est que ton cœur il soit présent. C'est pas, on dit Allahu Akbar et directement on pense à tout sauf à la salat. Quand on a fini, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait. Faire ses causes. Qala, rahimahullah. وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم تقدم معنا هذا الله سبحانه وتعالى il a appelé la salat إيمان et ça c'est une preuve que l'Iman قول وعمل واعتقاد وقوله أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فهي أكبر ناهي عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان et ça c'est la preuve. Est-ce que cette salat, elle est très très profitable? Amla. Si la salat, elle t'éloigne de al-fahsha ou al-munkar, c'est une salat qu'Allah il accepte. Pourquoi? Parce qu'Allah قال وأقيم الصلاة, fais la salat. ثم قال Allah سبحانه وتعالى il a informé le fruit de cette salat. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Ça ne veut pas dire que celui qui fait la salat et il fait des péchés, خلاص, il délaisse la salat. أبدا, là. أحيانا الشيطان يبيع من هذا الباب عند بعض ضعفاء النفوس يفون دي بيشي ils n'arrivent pas à délaisser certains péchés et ils font la salat ثم الشيطان il leur fait croire mais vous êtes des hypocrites tu n'es pas sincère il faut choisir délaisse la salat et tu trouves بعض الضعفاء مساكين il délaisse la salat il dit là je suis pas sincère je suis un hypocrite ça c'est من تلاعب الشيطان pourquoi tu prends pas le choix de délaisser les péchés si الشيطان il vient avec هذا الوسواس ça doit te renforcer encore plus. Anna, je délaisse ce péché. Ce péché, il fait beaucoup de mal. Hatta, ça a ouvert une porte à Shaitan. Si tu n'arrives pas, tu as des faiblesses, ne délaisse surtout pas la salat. Délaisser la salat, c'est la mécréance. Anna, faire la salat et cette salat, elle ne t'éloigne pas des péchés, tu restes un mu'min, lakin avec des faiblesses, qui fait ses péchés. Enfin, la solution, ce n'est pas de délaisser la base de ton din. Amou dinak. Le deuxième pilier de l'islam. Bah, les ulama, ils ont cité comme avis, celui qui l'a délaissé, il perd son din. C'est pas la solution. La solution, c'est ne touche surtout pas à salat. Là, la solution, c'est les péchés. Et la solution, Cheikh Saadi l'a cité, c'est améliore ta salat. Tu verras que ça t'aidera à délaisser les péchés. Et étudie l'ilm. La salat, c'est une ibada qui est fondée sur énormément de ilm, que ça soit l'intention, que ça soit des paroles à dire, que ça soit des gestes, quand tu dois lever les mains, quand tu dois pas lever, qu'est-ce que tu dois dire, combien de fois. C'est pour ça que les ulama ils ont écrit des kutub fi hada. Et tu trouves dans jami' kutub al-hadith, comme sahihayn, as-sunan, etc. Ils citent un bab fi as-salah, kadhalik kutub al-fiqh. Kitab au salat. Et ils expliquent ça en détail. Enfin, ça demande un ijtihad qu'on doit essayer de faire. Walou bi'ikhtisar. Maintenant, à notre niveau, pour la salat, on étudie le livre de l'imam al-Albani, rahmatullah. C'est une référence. C'est min ahsan ma fil bab. Khassatan min hayth al-ikhtisar. En résumé et dans l'authenticité, c'est un des meilleurs livres sur la salat. Enfin, on en profite, walillahi alhamd. Tout est devant nous. Il faut enfin pas te faire hada l'ijtihad. Tu comprends pas l'arabe, tu trouveras walillahi alhamd ces durus en ta langue. Il y en a talabat al-ilm en général, ils expliquent ces livres dans toutes les langues. Qala rahimahullah kama annaha tahtawi ala dhikrillah alladhi yughdi al-iman wa yunammih. Na'am. Allahu akbar subhanallah wa at-tashahhud wa as-salat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la lecture du Coran et bien sûr ad-du'a. Quand tu es prosterné avant At-Taslim, كذلك des positions azimes, le fait de s'incliner, tu t'inclines que pour Allah. Le fait de te prosterner, tu te prosternes que pour Allah. هذه المعاني العظيمة. فلا شك أن ça fait monter l'iman. قال والزكاة. كذلك une des caractéristiques citées dans Sourat Al-Mu'minun, الزكاة. قال تنمي الإيمان وتزيده. Az-zaka, c'est le fait de sortir une partie de ses biens, que ce soit argent, que ce soit des bêtes, que ce soit autre, bien sûr avec certaines conditions, c'est pas dans tout qu'on doit sortir la zakat. Lakin, si on prend l'exemple de l'argent, on doit sortir la zakat, lakin, si Le mu'min, il a réuni une certaine somme, balagat al-nisab, qui a atteint un certain seuil, et cet argent, elle n'est pas descendue en dessous du nisab pendant un an. Matalan, tu as 5000 euros, et pendant un an, ces 5000 euros, tu les as mis de côté. Tu dois sortir la zakat sur 5000 euros. Si c'est 4000 euros, tu sors sur 4000 euros. Tant que tu es au-dessus du nisab, tu sors une partie. 2,5%, c'est ça, zakat. Lillah, azza wa jal. قال والزكاه كذلك تنمي الايمان وتزيد c'est une source pour monter l'iman وهي فرضها ونفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان نعم la définition que j'ai citée ou l'explication c'est sur zakat al-farida le fait de donner cet argent ou cette partie de tes biens obligatoire ça fait partie des piliers de l'islam لكن الشيخ هنا الزكاه il a cité un sens plus vaste, ça englobe as-sadaqa. Que ça soit l'obligatoire, as-zakat, le pilier de l'islam, ou as-sadaqa, une aumône que tu donnes qui n'est pas obligatoire. Tu veux aider un pauvre, tu veux donner à une veuve, tu veux donner à un proche, c'est une sadaqa. Que ça soit de l'argent ou autre. قال نفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان. هذه الصدقة أو الزكاة. Cette chose que tu vas donner pour Allah, c'est un burhan. كما جاء في الحديث, il l'a cité في في هامش الكتاب قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه تقدم معنا الإكسبليكاسيون دو الأربعين النووية قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان برهان على ماذا الصدقة سان برهان البرهان سان بروف كما قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دوني فو بروف سي فو زيت فيريديك فالبرهان لو بلوريال براهين سان بروف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان قال الشيخ سعدي برهان على إيمان صاحبها فهو دليل الإيمان وتغديه وتنميه donc الصدقة ça fait partie de l'Iman c'est une preuve que cette personne qui a donné à l'Iman et كذلك c'est une cause pour augmenter l'Iman comme la salat ça fait partie de la foi et c'est une cause pour augmenter cette foi قال والإعراض عن اللغو الذي هو كلام وهو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه donc اللغو هنا c'est pas que pour le kalam c'est toute chose qui n'est pas utile qui n'est pas profitable que ce soit une parole ou un acte قال بل يقولون الخير ويفعلون ويتركون الشر قولا وفعلا donc المؤمنون qui ont un iman قوي font du bien et ils disent le bien et ils s'écartent du mal et ils s'écartent de dire du mal قال لا شك أنه من الإيمان ويزداد به الإيمان ويثمر الإيمان. Il n'y a aucun doute que délaisser اللغو, les mauvaises paroles, ça fait partie de la foi. قال ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم أو تشعث إيمانهم يقول وبعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة. فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد ذلك بذلك إيمانهم علقه البخاري عن معاذ رضي الله عنه بصيغة الجزم الإمام البخاري لا سيتي أثر دون صحيح معلقا سان إسناد لكن بصيغة الجزم أي هذا العلماء إلا أكسبتان أن جنرال هذا صحيح إن يوكان اجلس بنا نؤمن ساعة الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يديزي سولا يديزي entre venez qu'on s'assoit ونؤمن et on croit une heure ça veut dire quoi si on le traduit littéralement bien sûr mot par mot on croit une heure ça veut pas dire qu'ils croyaient pas معاذ الله لا ça veut dire نؤمن ساعة أي كما قال نجدد نقوي إيماننا لأن l'être humain il est pas à l'abri أحيانا tu tombes في الغفلة خاصة quand tu travailles, quand tu es dans des choses du matin au soir, en compagnie de certaines personnes dans certains endroits, le cœur est durci, la foi elle descend très vite. As-sahaba, radiyallahu anhum, quand il ressentait « shaymin al-ghafla », il disait « ijlis mina nu'min sa ». On s'assoit et pendant une heure, nu'min, on fait monter notre iman. « Fayadkurun Allah »« Wayadkurun ni'amahu d-diniya wa d-dunyawiya » Ça c'est très important. Al-dhikr, ça ne veut pas dire qu'il faisait du dhikr en groupe. كما يظن بعض الجهال أبدا الصحابة et النبي صلى الله عليه وسلم ils ont jamais fait des أذكار en groupe لا فيذكرون الله ça veut pas dire faire du ذكر en groupe لا Ça veut dire que se rappeler d'un verset, se rappeler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mas'ala ilmiya et autre. Ou yadhkurun ni'amahu, le fait de citer les ni'am kadhalik qu'Allah t'a donné. De ce bas monde et kadhalik par rapport au din. Ça, tout cela, ça fait monter l'iman. قال وكذلك العفة عن الفواحش خصوصا فاحشة الزنا. لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته. تنمية الإيمان وتقوية الإيمان, ces deux mots qui se ressemblent, et ça signifie augmenter sa foi. Donc le fait de s'écarter عن الفواحش et bien sûr en premier lieu de الزنا, de la fornication, de l'adultère, bien sûr que c'est une preuve de l'Iman. On peut citer walaw bi'ikhtisar deux hadiths. Le premier hadith Abdullah ibn Omar radiyallahu an. Qissat al-thalath. Qissat al-thalatha qui ont été bloqués fi al-ghar. Un gros rocher, il a fermé l'entrée du ghar, de la grotte. Ils se sont retrouvés bloqués. Fatawassalu kullu wahid min ha'oula tawassala bi'amlih إلى الله سبحانه وتعالى. Et ça c'est un dalil à la mashru'iyya at-tawassul bil a'mal as-salih. Donc chacun d'eux, ils ont décidé de citer une chose, une œuvre pieuse qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les fasse sortir de cette grotte où ils étaient bloqués. Pour résumer, on cite que ash-shahid minhum rajulun qui aimait beaucoup Bnat Ammi, sa cousine. Et هذه المرأة, elle était dans le besoin. Et elle avait des faiblesses, etc. Enfin, il lui a proposé de lui donner de l'argent. Et quand il lui a donné l'argent, il lui a demandé d'avoir des rapports, etc. Elle a accepté. Donc, quand il était prêt à avoir ses rapports avec cette femme qu'il aimait beaucoup, et il attendait cela depuis longtemps, enfin, nasahatuhu, elle lui a fait une dernière nasiha et il l'a délaissé. Il n'a pas fait ce haram. Alors qu'il pouvait. Il aimait beaucoup cette femme. Ils étaient seuls. La seule chose qui l'a empêché, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nasiha qu'elle lui a fait, ittaqillah. Wala tafud al-khatam illa bihaqqi. Ça, elle lui a rappelé et il a craint Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a laissé. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait ce dua, la pierre, elle s'est déplacée. Thumma, les deux autres, ils ont fait du dua et la pierre, elle s'est déplacée complètement, ils ont pu sortir. Ça montre le fait d'avoir délaissé al-fahisha à ce moment alors qu'il pouvait, alors que toutes les conditions, elles étaient réunies, et il avait cette facilité et il aimait beaucoup cette femme, il attendait cela depuis longtemps. Ce qui l'empêchait, c'est l'iman. Enfin, ça nous montre, et c'est une faïda azim, al-iman, c'est pas que des actions. Al-iman, bien sûr, c'est des paroles. C'est une croyance, c'est des actes. Et كذلك l'iman, c'est le fait de délaisser des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième hadith, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu fi sahihain, on l'a expliqué il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel livre, peut-être dans Riyad Salihin. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Sept qui seront sous l'ombre. Ba'd al-ulama disent du trône. L'ombre, cette ombre elle est créée comme on l'a vu à la sahih. Sept ils seront sous l'ombre du trône yawm al-qiyamah, sept catégories de gens. Minhum rajulun talabathu imra'a dhat mansib wa jamal. Le contraire de la première situation dans ce hadith, c'est la femme qui a demandé à avoir des rapports avec cette femme. Dhat mansib wa jamal. Une femme de haut rang et qui avait de l'argent et qui était belle, etc. Donc toutes les conditions réunies pour que l'homme dans ce cas est faibli et il accepte cette demande. فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ. Il lui a dit, je crains Allah, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a rien fait avec elle. يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Cette catégorie d'hommes qui ont patienté face à cette énorme fitna. Dans ce cas, يَا إِخْوَانَ قَلِيلٌ مِنَ الرِّجَالِ, qui arrive à patienter, encore plus à notre époque. مَرْأَةَ ذَاتْ مَنْصِبُ وَجَمَالِ, etc. Et dans un endroit seul, et c'est elle qui demande, c'est elle qui veut, et tout est facilité, يَدَنْ بِلَّهِ, pour cet homme. Enfin, c'est pas tout le monde qui arrive à patienter. C'est pour ça que vous avez remarqué, dans les deux cas, la récompense, elle est énorme. Le premier cas, c'est Al-Faraj. Ça a été la cause qu'ils ont réussi à sauver leur vie. Dans le deuxième cas, c'est Al-Faraj, fi يَوْمَ الْقِيَامَةِ, le jour des comptes. quand le soleil sera très proche, etc., ils seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا. قال في المؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. صحيح. C'est quoi qui a poussé, si on garde l'exemple de ces deux hommes, à ne pas passer à l'action? C'est quoi? C'est داعي الإيمان dans le cœur. Tout ça بإذن الله عز وجل. وإلا واحد qui a un إيمان ضعيف. Mimbabi Aoula, quelqu'un qui n'a pas l'iman, enfin, il ne se pose pas de questions dans ce cas-là. Enfin, ça nous montre l'iman, il y a énormément de fawaïd, c'est une cause pour te préserver du haram et de te conduire avec tes propres mains à ta perte. Qala wa ri'ayatu al-amanat wal-uhud wa hifdhuha min ala'im. Hakada qala, min ala'im. الإيمان أي من علامة الإيمان وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له الحديث في الحاشية قال أخرجه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني في تخريج لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة نعم فكثير من العلماء اللي صحح لا إيمان لمن لا أمانة له سنموضح أن الإيمان قوة وضعفا c'est lié au fait de respecter l'amana, tes engagements. قال وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد. صحيح. ça c'est une علامة طيبة pour si tu veux connaître la est-ce que cet homme ou cette femme ils ont un iman قوي. Ils sont sérieux dans leur dîn. Ils sont sincères, ils sont véridiques, ils ont une foi élevée par rapport à ces choses. Si tu vois qu'ils respectent l'amanat, ils respectent ses engagements, que ça soit verbal, que ça soit on lui a prêté quelque chose, il doit de l'argent, que ça soit al-uqud, il a fait un contrat de mariage, il a fait un contrat de vente, les transactions, il respecte tout ça, il respecte les conditions. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, عند شروطهم, فهذا il a un iman qawi et un din qawi. Sa foi, elle est élevée. Un mawahed qui ment, qui ne respecte pas les engagements, qui trahit, il ne respecte pas les conditions. Fa'hada kha'inun khadda'a. Voilà aussi, c'est un musulman, on ne dit pas que c'est un kafir, lakin, c'est un kha'in et son iman est va'if, et hada, il fera beaucoup de mal. Fa'qawluhu la iman, ça ne veut pas dire que celui qui ne respecte pas l'amana, ce n'est pas un mu'min. Abadan. Là, ça veut dire que son iman il est ضعيف et il a des problèmes في الايمان الواجب. قال فاذا كان كذلك فهو صاحب دين وايمان وان لم يكن كذلك نقص من دينه وايمانه بمقدار من تقص من ذلك. طيب il a fait la précision. La iman ça veut dire que sa foi elle descend par rapport à ses manquements concernant العهود والعقود والامانات. مثلا il a pris un engagement avec quelqu'un de faire une chose, thumma il ne respecte pas cet engagement. Sa foi, elle diminue. Le fait de ne pas respecter cet engagement, c'est haram. Et sa foi, elle diminue. Il ment. Il doit de l'argent à quelqu'un alors qu'il avait promis de les rendre. Il ne les rend pas alors qu'il peut, etc. Tout ça, ça fait diminuer la foi. Qala wa khatamaha bil muhafadati ala salawat. Avant hada, il a cité une faïda fi hamish al-kitab, note de bas de page. قول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قال دان جامع العلوم والحكم كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والإنعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. هذا كلام جميل. صحيح. Beaucoup de gens ils pensent que التقوى c'est que tu sois sérieux, que tu respectes les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ay min hayth al-ibada, as-salat, as-siyam, al-hajj. Tu trouves, les gens, ils sont très sérieux vers des l'umour. Lakin, ils sont négligents vers hukuk al-ibad. Maintenant, tu le trouves, il fait al-hajj, il fait al-siyam, il fait al-salat, etc. Lakin, il n'arrête pas de voler les biens des autres. Ka'anna les autres, ils n'ont pas de hurma. Et ça, c'est très très grave. Ça montre un... dans le cœur de cet homme, khalal, un énorme manquement fait l'iman. Qala, والجمع بين حقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. أما le fait de rassembler entre حقوق الله, les droits d'Allah, أي l'adorer seul, lui obéir, وحقوق العباد, أي les droits des créatures, que ce soit des kuffars, que ce soit des croyants bien sûr, les voisins, les parents, tout ce qui concerne les contrats, les transactions, etc., tout ce qu'on vient de citer, enfin, ce qui rassemble entre les deux, c'est qui? C'est Al-Kummel min al-Mu'mini. Ceux qui ont une foi très élevée parmi les prophètes, les véridiques et autres. Qala, on revient au matn, qala wa khatamaha, et hadhihi al-awsaf al-sab'a, donc ces sept caractéristiques. On est à la sixième, la septième, wa khatamaha bil muhafadati ala salawat. Il a fini, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité na'am, à la fin, al muhafada ala salat. قال الشيخ سعدي رحمه الله dans الحاشية il a cité une faïda من تفسير الشيخ سعدي لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص صحيح. Et comme من الناس ils ont des difficultés ou des manquements dans un point ou dans l'autre et بعضهم dans les deux. Vu que salat, tu as ces deux points importants, la faire à l'heure et être régulier, ne pas la délaisser, et la concentration, le khushu', ou sudq wal ikhlas, ce qu'il y a dans le cœur. Vu que ces deux points ils sont importants, Allah subhanahu wa ta'ala au début il a cité le khushu' et à la fin il a cité le muhafadha ala salah. Hada kalamun jamil. Et tadhkurun anna on avait cité au début du livre quand Shir Sadi a cité ces versets, on avait cité kalam l'imam Kathir, si on arrive à le retrouver, na'am, page 21 de Manusra, au début du livre. Shir Sadi a cité les 10 premiers versets de Surat al-Mu'minun, et on avait rapporté la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, قال وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها. Et na'am. كذلك l'imam Kathir, rahimahullah, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé les caractéristiques des croyants par la salat, le khushu', ثم toujours la salat, la muhafadha alayha, le fait de respecter l'heure, d'être régulier, de ne pas la délaisser. Pourquoi? Pour montrer l'importance de salat, pour montrer les mérites de cette salat, et pour montrer que din al-abd, sans salat, il n'a pas de din. Un croyant sans salat, ala sahih, c'est pas un croyant s'il la délaisse complètement. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الكفر c'est le contraire de l'iman. Bien sûr, selon un avis, أنه c'est du كفر أكبر. والله أعلم. قال وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. صحيح. مثال طيب. أن المحافظة على ذلك, le fait d'être sérieux, régulier في الصلاة, encore plus بخشوع, فهذا c'est بمنزلة الماء الذي يجري على البستان. C'est comme de l'eau régulièrement, elle arrose un jardin. Qu'est-ce que tu vas trouver dans ce jardin? Tu vas trouver des plantes, une bonne odeur, des fruits et autres. Tout le monde en profitera. Le fait de voir ce jardin t'en profite. هكذا المؤمن. هكذا المؤمن qui arrose son cœur avec هذه الصلوات. Minimum 5 fois par jour, celui qui fait que le wajib. S'il est concentré l'akhir, ça va faire vivre son cœur. Et dans Al-Hadith, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé هذه الصلوات الخمس à un homme qui 5 fois par jour se lave dans une rivière. 5 fois par jour. Enfin, est-ce que cette personne, elle va rester sale? Abadan. 5 fois par jour, si tu te laves, c'est kathir. La chaque que tu vas être propre. هكذا الصلاة. Ça va te purifier de tes péchés. Bain kulli salat. Al-jumu'a ila al-jumu'a. Comme a dit le hadith. Kadalik, c'est une cause pour t'élever. C'est une cause pour t'embellir. C'est une des causes principales pour que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de toi et que tu rentres fil jannah akhi al-mu'min. Fahdhar. Fais attention de ne rien faire passer avant cette salat. Ni famille, ni ami, ni travail. Wala shay. Essaye que dans ta vie, la salat a une place principale, c'est la base. Et ça passe avant tout. La salat à l'heure. Pour les hommes, au mujid. Pour les femmes, à la maison et à l'heure. des cas exceptionnels, elle n'a. Tu peux ne parler au masjid pour les hommes ou pour la femme, la retarder, là que non, on la retarde pas quand elle sort l'heure. Maintenant, ça arrive que Ad-Dhuhr c'est à 14h et tu le fais à 15h avant l'Asr. Ça arrive. L'insan, il avait une chose importante, la femme, elle était occupée par. Ça arrive, hada. Lakin, prendre l'habitude que délaisser ou faire sortir salat à l'heure, maintenant, Ad-Dhuhr c'est à 14h et on le fait après l'Isha. Après l'heure du Isha, à 20h, et on rassemble toutes les salats. Allez, c'est une moussiba. Qu'est-ce que tu espères de cette dunya? Qu'est-ce que tu veux, Akhil Karim, de ce travail ou cette école? Tu peux pas faire salat et tu dois rattraper la nuit. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette école ou ce travail? Si tu meurs, qu'est-ce que tu vas faire? Jaa fil hadith anna awwal ma yuhasib alayhi al-'abd yawm al-qiyamah as-salat. La première chose sur qui on va être interrogé yawm al-qiyamah as-salat. Si elle est acceptée, elle est valide, tout le reste sera très facilité. Si elle n'est pas acceptée, l'insan il est fi warta. Une situation critique, qu'est-ce que tu vas faire? Ce patron qui ne te laisse pas faire salat ou qui il te met la pression, qu'est-ce qui va t'apporter ce jour-là? Ou cette école, ce professeur, ce directeur, qu'est-ce qui va t'apporter? On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui te conseille de rester dans un travail ou à l'école avec, bien sûr, on cite l'exemple de la salat, même si tu peux faire la salat, la plupart des écoles avec tout le haram. C'est un autre sujet, là, celui qui ne te conseille pas de faire passer la salat avant, wallahi, ma nasahak, il ne t'a pas conseillé. Celui qui te veut le khayr, il te conseille, oui, iqamati salat. As-sahaba radiyallahu anhum, avec le prophète alayhi salatu salam, comme on va voir, incha'Allah ta'ala, dans nos durus, dans la sirah, dans les batailles, il faisait salat à l'heure. Hatta shara'Allah subhanahu wa ta'ala salat al-khawf. Hatta il y a une salat spéciale, salat al-khawf, une façon spécifique de la faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré de la retarder à cause du djihad. Là, les combats, et ils font la salat. Un groupe, ils surveillent, l'autre groupe, ils font salat derrière Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thomas, le premier groupe, ils ont fini. Le deuxième groupe, ils viennent derrière Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils la font. Ne pas la laisser. Durant le combat, ils n'ont pas laissé. Amma nahnu la jihad ou la shay dans cette nahiya. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien du tout. Il y a des faiblesses dans le cœur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Le sujet de la salat, il est très très important. قال وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي. شجرة الإيمان, c'est un rappel après cette neuvième cause avant de passer à la dixième. Il a cité ce rappel, رحمة الله عليه. شجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي. Cet arbre que tu as dans le cœur, cet arbre, c'est la foi. Ils ont comparé la foi à un arbre. Et comme tous les arbres, il a besoin d'être arrosé. Ne pas le délaisser. Si tu le délaisses, il peut mourir. Hakada ton iman. Et parmi la façon la plus profitable d'arroser cet arbre, c'est avec as-salat. C'est pour ça qu'il a cité cette remarque juste après la salat. قال وهو المحافظة على أعمال اليوم والليل من الطاعات والعبادات. Et la base est le plus important à cela. Kadalik, ne pas négliger l'adhkar. L'adhkar, ça fait revivre le cœur. Khassatan adhkar al-sabah wal-masa. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkuru allaha dhikran kathira wa sabbi'uhu bukratan wa asila. Hakada qala jalla wa ala. Les adhkars du matin et du soir. Et à salat, à son heure. Et on fait des efforts pour comprendre ce qu'on dit, pour apprendre, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi'ilm. Vous verrez qu'à chaque fois, c'est un rappel. Quand tu as des faiblesses, etc., tu vas faire hada dhikr ou tu vas faire cette salat, et c'est un énorme rappel. قال وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة. هذا مثال جميل. Les arbres, tu as besoin de plusieurs choses pour préserver un arbre. Bien sûr, tu as le fait de l'arroser, ce qu'on vient d'expliquer, et كذلك tu dois retirer des choses néfastes. Ça peut être des mauvaises racines. Ça peut être des insectes, ça peut être une pierre, ça peut être quelque chose qui empêche cette plante, cet arbre de pousser droit. Mouhim, tu dois faire très attention. Ahlul Khibra, ils connaissent ça. Les agriculteurs, c'est leur spécialité, ils savent ça. Hakada anta ton iman. Comment faire? Qala wa huwa al-iffatu 'anil muharramat, qawlan wa fi'lan. Les mauvaises racines, les mauvaises graines, les choses qui peuvent faire du mal à cet arbre, c'est les péchés. Que ce soit avec ta langue, avec ton cœur ou avec tes membres. قال فمتى تمت هذه الأمور نما نما نما أي قوية هذا البستان نما plutôt هنا سي من النمو اي le fait de pousser هذا البستان وزهى واخرج الثمار المتنوعه et tu le vois هذا certains jardins leurs propriétaires ils ont une عنايه فائقه ils donnent beaucoup de temps ils ont كذلك de l'expérience et ils ont de la science dans ce domaine et tu vois leur jardin mashallah très joli, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, bien organisés. Tu trouves certains jardins, leurs propriétaires, ils ne donnent pas assez de temps, et tu trouves des plantes sèches, tu trouves beaucoup de choses, c'est pas organisé, il n'y a pas de fruits, ou les fruits, ils ont séché, ils ont pourri. Hakada les cœurs. Hakada les cœurs, celui qui n'a pas de inaya, celui qui n'a pas de inaya, il pourra délaisser ce cœur. Les maladies, les ambiguïtés, les wasawis, al-shaytan y trouve refuge. Ça, c'est un dars azim, ya ikhwan, anna le fait d'avoir l'iman, c'est une ni'ma, lakin préserve cette ni'ma. En d'autres mots, c'est pas qu'on a la foi qu'on va la garder. Lianna la foi, elle monte, elle descend et elle peut disparaître. Avec les annulatifs, un annulatif de l'islam. Enfin, on doit faire attention. Donc, on a un trésor dans le cœur. La plus grande ni'ma, le plus grand bienfait, enfin, on doit le préserver. Et la plus grande cause pour le préserver, c'est ad-du'a. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, yuzayyin al-iman fi qalbik. Et plein de ad'iyah qu'on a déjà vu, ou que tu peux trouver très, très simplement. Hada wallahu a'lam. Ça, c'était la neuvième cause. Et le prochain cours, inshallah, la dixième fi ad-da'wa. Alhamdulillah, on avance bien, il ne reste pas beaucoup. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad li al-jami'. Et le prochain dars, ça sera, inshallah ta'ala, dimanche, concernant nos deux livres, At-tawdih wal-bayan li shajarat al-iman. Et le premier cours sur Al-Fusul fi sirat al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Ibn Kathir. Hayyakum Allah, wa assalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.